Bon dia à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de Wrestles Radio. C'est, je crois qu'on approche du 40e numéro et 40 numéros, hein, toujours pas de voix féminine dans le podcast, mais ça va arriver aujourd'hui, ça y est. On a une invitée, pas un invité, mais avant de vous la présenter, je vais accueillir toute ma petite bande de bras cassés qui sont avec moi. Salut Broussy. Salut tout le monde. Salut Vincent. Salut tout le monde. Salut Renaud. Salut à tous. Salut Verpa. Salut. Prof, un spécialiste en plus de cash féminin pour Wrestles Radio, ça c'est depuis le premier jour. Et Sébastien est aussi avec nous, salut Seb. Bonjour tout le monde. Et notre invité donc c'est une participante du TNA Gut Check, on vous l'a dit sur les réseaux sociaux, on vous a fait poser des questions qu'on va lui poser, hein, c'est ça, oui messieurs, hein, je me trompe pas, on va bien lui poser ces questions là. C'est Shana the Perfect Portugal à tête, c'est ça? Je suis un petit peu trompé. Dans le désordre, mais oui, c'est ça. Dans le désordre, l'accent est très bon aussi, mais... Moi, je suis français, excuse-moi. Bonjour, Portugal's Perfect Athlete. Ah, ça le fait mieux, ça le fait mieux, excuse-moi. Voilà. Bah, écoutez, je propose qu'on lance un petit jingle, on pourra lancer cette petite interview. Allô? Oui, non, c'est bon, c'est bon. Ah, voilà, merci, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, petit jingle et on se retrouve juste après. Alors, bon, on a fait un ordre bien précis de questions, hein. On va commencer par le début. Non, pas par la fin. Hein. Alors, comment as-tu découvert le catch? Quels sont tes souvenirs d'enfance et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? Ça, c'est une longue histoire. je vais résumer. Quand j'étais petite, quand j'étais jeune, je regardais du catch à la télé, comme tout le monde, la VVF, avec mon père. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais complètement fascinée. C'était avec Hulk Hogan, Roddy Piper, Macho Man, tous les personnages de l'époque. Je vibrais avec le catch. Et ce n'est juste beaucoup plus tard que j'ai découvert qu'il y avait une académie au Portugal où il y avait des entraînements de catch. Donc, je me suis inscrite dans un cours d'été parce que je voulais bien essayer. Et depuis, je suis restée et ça a grandi en moi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis partie de mon pays pour suivre mon rêve du catch. D'accord. Et c'est à partir de quel âge que tu as commencé? Que j'ai commencé le catch? Oui, c'est ça. Ouais. Mon entraînement? J'avais 25 ans. Ah, t'as 25 ans, quand même. Ah oui. T'as pris, c'est tard, quand même. Ouais, t'as pris 24, sur le tard. Ouais. 24, 25. Bon. Oui, très tard. Très tard. Et comment on franchit le pas, justement, de se dire, tiens, j'aime le catch, j'ai envie d'en faire, et après, tu vas véritablement sur le ring? Comment ça t'est venu? Moi, je me suis entraînée pendant 12 ans, quand même, au Portugal. Comment c'est venu? Lors d'un show à Bilbao, en Espagne, j'accompagnais deux amis qui sont catcheurs. J'ai une offre d'un autre catcheur booker pour venir en France. Et c'est là que j'ai commencé. J'ai commencé à la Wrestling Star en tant que catcheuse professionnelle. D'accord. Et ça, ça fait depuis 4 ou 5 ans. Ah oui. D'accord. Et niveau souvenirs, déjà, est-ce que sur le ring, t'as des souvenirs qui te reviennent en tête positivement, plus que d'autres, et d'autres plus négativement, je dirais? Meilleurs et pires souvenirs, quoi, en gros? Ouf, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai des mauvais souvenirs. Toutes les fois où je me suis blessée à mes genoux, j'ai déjà été opérée aux deux genoux. Sinon, à part ça, j'ai que des bons souvenirs, des bons moments passés, des combats moins bons, des combats mieux, mais c'est ma passion, donc je pense que tout le reste, ce sera toujours des bons souvenirs pour, dans le futur. J'ai le souvenir d'une blessure à l'épaule, moi, de mon côté, lors d'un match en Grande-Bretagne. Et est-ce que c'était vraiment difficile de repartir, de se dire, bon, allez, il faut aller se faire opérer, et après de repartir à l'entraînement pour après reprendre une tournée européenne? Tu parles de l'incident avec Jenny Schledin dans le ring? Oui. D'accord. Bah, j'ai pas été opérée à l'épaule, attention. C'était une... comment tu dis? Une épaule disloquée. Oui, elle était disloquée et distendue, c'est ça? Oui. Le coude? Oui, oui. Une distension. Donc, ça n'a pas été très difficile. C'était douloureux, mais pas très difficile à guérir. Ce n'était pas vraiment une grande blessure. Les grandes blessures, c'était vraiment au genou, les ligaments croisés qui sont cassés lors des combats il y a déjà 3 ans. Donc, voilà, j'ai été opérée que très récemment, que en mai dernier. Pas ce 2013-2012, en mai 2012. Donc, voilà. Et moi, j'aimerais savoir ton point de vue sur le fait d'être tout le temps sur la route, quoi. Sur ton planning, la fréquence des apparitions. Tu gères ça comment? Mentalement? C'est pas mentalement, facile. Mentalement. Bon, c'est, bien sûr, c'est difficile. C'est très fatigant être dans la route tout le temps. Et ça, pour moi, c'est tous les semaines. Tous les semaines, je voyage de partout dans l'Europe. Ma stratégie, c'est de dormir. Je dors dans les voyages. Que ce soit train, bus, avion, je passe ma vie à dormir. D'accord. Et en moyenne, par semaine, tu fais combien de shows, grosso modo? Normalement, c'est que le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche. Et maintenant, je fais beaucoup de tournées en Angleterre, donc je pars plutôt pour le gros week-end. Je fais plutôt des grands week-ends. Mais ça dépend. J'ai des tournées aux États-Unis qui vont venir là, où je vais rester 2 semaines, 3 semaines là-bas. Donc après, ça dépend d'où on va, combien de dates on a, etc. Donc une tournée aux États-Unis, est-ce qu'on peut déjà donner des noms de promotions dans laquelle on pourra t'apercevoir aux États-Unis? Ah. Ou est-ce que c'est encore un secret pour l'instant? Et... Il y a certaines qui c'est un secret. Il y a une... Et c'est pas aux États-Unis, mais ça sera à ce moment-là, parce que je prendrai l'avion de Floride pour y aller là-bas. Ce sera Puerto Rico pour la VVL. Et c'est la rumeur dit que mon adversaire dans ce show-là, le 26 octobre, ce sera contre Iblis Velez. Donc ça promet. Ah ouais. Oui, Katchus qui a déjà participé au gut check de la TNA. Ah, pas mal, les spécialistes du MMA aussi. Donc, d'autres promotions, faut regarder sur ma page Facebook, sur mon Twitter, ce sera annoncé. Donc, de bonnes choses en perspective. De très bonnes choses, très très bonnes choses. Donc, ouais, maintenant, on avait lancé un appel donc, pour la préparation de l'émission donc, sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Wrestles.fr et tout l'ensemble de nos partenaires. Et donc, on a reçu un certain nombre de questions de la part d'auditeurs et de lecteurs qui nous ont envoyé les questions qu'ils souhaitaient te poser. Donc, on va commencer par exemple avec la première donc, qui nous est parvenue de la part de Guillaume Verdun. Et donc, sa question était... Est-ce possible pour une catcheuse européenne de se consacrer à sa passion à temps plein? Ça dépend. Je ne fais pas que du catch. Je fais beaucoup de trucs de photoshoot de modèles. Je participe dans les... j'ai des petits rôles dans des films, par exemple. J'ai participé dans le film Max le Millionnaire et c'est récent. Que je ne sais pas... Je pense que c'est... Il a été dans le cinéma ce mois de mars passé. C'est un petit rôle, mais bon, je fais quand même un petit peu de cinéma, un petit peu de cascade, un petit peu de modeling. Donc voilà, après tout ça, j'ai aussi le catch et je tourne beaucoup, mais pour une personne qui vient de commencer, cette personne ne va pas tourner beaucoup, donc c'est très compliqué de vivre du catch, surtout en ce moment, parce que le catch en ce moment il est en descente, donc on voit de moins en moins de promotions organiser des spectacles, que ce soit en France ou en toute l'Europe. Donc, faut vraiment penser à voyager, faut vraiment faire le sacrifice et c'est pas facile au début. On a donc une artiste complète hein, présente sur tous les domaines, tout ce qui est possible. Donc on va passer maintenant à la seconde question de Guillaume Verdun, donc, qui posait une question un petit peu plus délicate, et donc qui s'interrogeait sur comment votre héritage portugais, mais aussi français, est-il perçu à l'étranger, notamment de la part des promoteurs ou des autres catcheurs et des fans notamment présents au show. Parce qu'on se souvient par exemple du personnage d'Aldo Montoya qui incarnait le portugais dans les années 90 à la WWF, mais on retrouve quand même assez peu de personnages inspirés venant de ce pays-là sur la scène européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Il existe des catcheurs portugais, j'en connais plein. Mais c'est vrai que Aldo Montoya faisait vraiment le portugais, moi je ne fais pas la portugaise. Comme je disais, j'insiste d'avoir le nom, dans mon nom, Portugal's Perfect Athlete, le mot Portugal, parce que je veux vraiment que les gens sachent d'où je viens. Et c'est un truc patriote au portugais. Voilà, sinon, je vais pas dire beaucoup, mais il y a quelques portugais dans la scène européenne. Comme moi, ils ne font pas vraiment le portugais, mais c'est vrai que le symbole du Portugal est présent dans leurs t-shirts, dans leur tenue de catch, etc. D'accord, donc on va passer peut-être à la prochaine question, une question que je pense qu'on a dû te poser beaucoup de fois, mais quel serait ton dream match ? Mon dream match ? Oula ! Ouais. Bon, mon dream match, ce serait un match contre moi-même. La perfection contre la perfection. Et là, oui, là on a un challenge, là on a un défi. Sinon, si on parle des catcheuses à l'Athéna, par exemple, j'aimerais beaucoup catcher Tara, parce que je trouve qu'elle est vraiment formidable en tant que talent. Au DB aussi, je pense qu'on pourrait sortir quelque chose de très spécial. Moi, je pense que l'Athéna, elle est pleine de grands talents, donc c'est aussi une raison pour laquelle je suis dans le Gatchek et c'est pour ça que voilà, je demande à tous mes fans de voter pour moi parce que je veux vraiment réussir à être une knockout et à pouvoir avoir tous mes dream matchs avec Tara, Gail Kim, ODB et tout ça. Et pourquoi pas être knockout champion un jour. Bon, on y arrive, oui, maintenant. On incite tous les auditeurs à voter pour Shana au Gut Check, mais on en reparlera à la fin de l'émission. Maintenant qu'on est sur le Gut Check, on va justement te demander comment est-ce que tu es arrivé sur ce concept, comment tu as passé les phases de sélection, etc. En fait, j'ai été invitée dans un try-out en janvier en Angleterre. Et j'ai accepté, j'ai été... voilà, après ce try-out, j'ai été invitée à participer justement dans ce nouveau concept de vote qu'ils ont trouvé où ils donnent le pouvoir aux fans de catch de choisir qui veulent voir dans le Get Check télévisé à la TNA. Donc tout ça c'est parti du tryout. Et justement enfin en parlant du gut check, il y a un auditeur qui nous a posé une question. C'est Florent Maté qui nous pose la question. Est-ce que tu sais comment vont se passer les prochaines étapes du gut check? Parce qu'on a par exemple eu une interview d'un participant qui a gagné la première phase, le premier tour, et qui ne savait pas comment allait se dérouler la suite. Est-ce que tu sais comment ça se passait après ce premier tour de qualification? Ah oui, ben, en fait, il y avait 16... comment ça se dit poules, c'est ça? Ouais, oui. Ouais, c'est spool, c'est des brackets. Ouais, des groupes. Quoi. Brackets. Et bon, j'ai gagné la mienne, c'est la deuxième, et il existe 16 dans le total. Les vainqueurs de chacune des brackets vont se trouver dans une grande finale, les uns contre les autres, dans le même système de vote. Donc, ce sera une bracket finale, ça s'appelle la winner's bracket. La votation, elle sera du 8 juin au 15 juin. Le gagnant de cette étape finale, de cette finale, aura un get check télévisé à la TNA. Donc, ça sont les trois étapes. Donc, une première étape, les 16 brackets. Deuxième étape, la finale. Et la troisième, c'est le get check télévisé. Donc on espère tous te retrouver dans un match de Gutcheck lors d'un Impact Wrestling prochainement, peut-être à l'automne. Oui, oui, moi aussi. Et d'ailleurs, petite information, je ne sais pas si tu étais au courant ou pas, mais tu es la troisième personne qui a reçu le plus de votes parmi tous les participants du Gutcheck pour l'instant. Donc ça montre que tu as une certaine popularité, c'est très bien. C'est très très bien, ça, c'est pas mal. Hein. Surtout que... La troisième ? Oui, la troisième personne qui a reçu plus de nombre de voix sur l'ensemble des participants pour l'instant. Ah, je pensais que j'étais la deuxième. Ah, alors, est-ce que tu es la deuxième depuis qu'on a préparé les questions, messieurs ? Moi, j'ai des chiffres de 353 votes juste devant Sungar Dunkerton, donc il n'est pas quand même n'importe qui sur la scène indépendante américaine, donc qui était passé par la Chikara, par la Pro Wrestling Guerrilla. Donc c'est quand même une belle performance, quasiment le double de votes sur le second dans la bracket number 2. Donc au classement final, les chances sont réelles pour Shanna, et donc c'est pour ça qu'on compte sur un soutien massif de la part de tous les fans et de tous les auditeurs qui nous écoutent pour qu'on puisse promouvoir Shanna dans le roster de la TNA, ou du moins atteindre les brackets finales. Et justement, cet auditeur, Florent Maté, pose comme la question, qu'est-ce que ça représente pour toi le titre Knockout de la TNA que détient en ce moment Velvet Sky? Bon, c'est l'objectif tout haut à la TNA, c'est de devenir championne et de rester. donc, parce qu'en ce moment, Velvet Sky, c'est la catcheuse la plus forte et la plus importante à la TNA. C'est elle, la championne. Donc, pour moi, battre un jour, combattre avec Velvet Sky et la battre, ça voudrait dire que je serai la catcheuse la plus importante à la TNA. C'est ça que ça représente pour moi. C'est mon objectif. Comme un aboutissement. Comme un aboutissement. Oui. Et en parlant des champions de la TNA, une question de Dame Catch, qui est un lecteur sur Wessels, qui demandait ce que tu penses des knockouts actuellement à la TNA et des divas à la WWE. La différence entre les deux, ou qu'est-ce que j'en pense En général, ce que tu penses des knockouts et des divas. Voilà. Il y a une grande différence entre VV et TNA, et je pense qu'elles sont tous, celles y sont, c'est parce qu'elles sont tous très talentueuses. Mais c'est vrai qu'elles sont utilisées de différentes façons dans une promotion et dans l'autre. La TNA, c'est plutôt catch, elle donne beaucoup plus de temps dans les combats pour les femmes. Donne plus d'importance au catch féminin. Les catcheuses à la TNA, pour moi, sont les catcheuses les plus talentueuses dans le ring. Après, à la WWE, il y a vraiment ce côté, comment dire, cinéma, ce côté acting, et j'aimerais dire que voilà, que les filles comme AJ, etc., sont des filles qui sont assez talentueuses dans le ring, mais je ne vois pas, je la vois pas au niveau des catcheuses latines. Pourtant, dans le côté acting, elle est phénoménale, et en ce moment, c'est la diva la plus over à la WWE. Donc, voilà, c'est ce que j'en pense. Alors, il y a quelques temps de ça, on a eu les Young Bucks, excuse-moi, Generation Me, je ne sais pas si tu vois qui c'est, à la TNA, ils s'étaient passés par là. Les Young Bucks, je connais, voilà, oui. D'accord, ok. Bon, ils étaient venus en interview écrite pour SLS Radio, puis on leur avait demandé entre la WWE et la TNA leur choix préférentiel. Ils avaient décidé, en tout cas, ils nous avaient dit TNA. Moi, si je te pose la question, je te dis, tu choisis d'être une diva ou une knockout, tu dis quoi? Oula. Si tu dois devenir une diva ou une knockout, tu préfères bosser pour la TNA ou la WWE? C'est vrai que la question n'est pas facile. C'est une décision très, très, très difficile. En ce moment, je me trouve un peu entre les deux promotions, parce que j'ai eu aussi un essai pour la WWE très récemment. D'accord. Voilà, mais c'est secret. D'accord, je comprends. C'est une question très difficile pour moi. C'est vrai que je préférerais travailler pour la TNA parce que je pourrais bosser plus dans le ring. Mais c'est vrai que la WWE, c'est la numéro 1 au monde et c'est incontestable. Et bien sûr, si je suis dans ce rêve du catch, c'est aussi pour aller au plus haut possible. Et le plus haut possible en ce moment, c'est la WWE. Donc, c'est très difficile. Ça me déchirait le cœur choisir une ou l'autre. Donc, je préfère même pas avoir le choix. D'accord. Je préfère être prise par une ou par l'autre, mais pas avoir ce choix à faire. D'accord. D'ailleurs, on va passer d'ailleurs maintenant un registre complètement différent. On va parler un petit peu du catch en Europe. Tu as déjà affronté Britannic Knight, plus connu sous le nom de Paige actuellement à la WWE. Que penses-tu de cette lutteuse? Es-tu surprise de sa réussite actuellement? Je l'ai affrontée plusieurs fois. Je ne suis pas du tout surprise. Je savais. Je savais que. Tôt ou tard, elle serait prise à la WWE. Elle était super jeune, super talentueuse, tellement facile de travailler avec elle, c'était impressionnant. Donc, une fille qui déborde de talent à une si jeune âge, c'est juste normal qu'elle soit signée tout de suite, comme elle l'a été. Est-ce qu'elle est dans le même registre que sa mère, par exemple, Saraya? Est-ce que c'est un style totalement différent ou on retrouve certaines similitudes entre le style de Saraya et le style de Britney dans le ring? Retrouver un petit peu de sa mère dans le style de Britney, oui. et je trouve ça super mignon d'un côté parce que elle ramène un peu de sa mère dans son travail. Son travail, elle est dans la plus grande fédération au monde. Donc, et oui, j'ai catché Saraya aussi. Elle est beaucoup plus agressive, beaucoup plus old school, on va dire, dans son travail. Mais c'est vrai qu'on trouve ces petits éléments chez Paige et je trouve ça endearing, on va dire, parce que je connais pas le mot en français. Donc quand en préparant l'émission, on a regardé un petit peu près, à peu près l'historique donc des dernières apparitions sur les 3 ou 4 dernières années. Et donc on a remarqué que tu as fait un très grand nombre de pays européens, que ce soit en France, en Suisse, au Royaume-Uni et même en Finlande et en Turquie. Est-ce que c'est dur de trouver des bookings en Europe en ce moment? Pas pour moi. Mais ça dépend. Ça dépend de notre parcours, ça dépend. Ça dépend du talent, ça dépend du travail, ça dépend ça dépend de plusieurs éléments. Pour moi, ce n'est pas très difficile. Je me rappelle qu'au début, je contactais beaucoup de promotions. Maintenant, c'est les promotions qui me contactent. Mais ça, c'est tout. Tout vient avec le temps, les années et le fait aussi de put your name out there, de se faire connaître, de faire parler de soi. Donc ça fonctionne donc pour, par exemple, pour les bookings, vous passez par l'intermédiaire d'un agent ou alors c'est directement une fédération qui contacte directement le catcheur ou la catcheuse qu'il souhaite avoir dans l'un de ses prochains shows? Ça dépend, ça peut venir par l'agent, ça peut venir directement à moi. Souvent ça vient directement à moi. Parce que je connais la plupart des promoteurs maintenant aussi. Donc, il y a des liens d'amitié aussi qui sont créés. Donc, ça vient souvent à moi. Et parmi tous les pays par lesquels tu es passé déjà, où tu as catché, dans lequel as-tu préféré travailler? J'aime beaucoup voyager. Donc, je prends chaque pays et chaque show comme une expérience différente. C'est vrai que j'ai mes promotions favorites. En ce moment, j'aime beaucoup en Angleterre, mais j'ai pas essayé encore le Japon ou les États-Unis pour vraiment donner une réponse à ça. J'aime tous les pays. J'aime voyager, tout court. J'ai notamment lu sur cette que d'ailleurs on risque de te voir pour la toute première fois dans une fédération anglaise, donc la Bellatrix. Est-ce que c'est un système, une fédération qui apporte quelque chose de nouveau dans le catch britannique ou est-ce qu'elle s'inscrit dans la lignée des fédérations classiques de catch en Angleterre? Le truc avec Bellatrix, c'est qu'ils sont en train de faire de faire toute une grande production par derrière avec les pay-per-view et tout ça, justement pour faire parler du catch féminin et pour le monter encore plus haut. Parce que il y a eu un phénomène de boom de catch féminin. Je ne sais pas si vous avez si vous avez perçu de ça, mais moi je trouve que Bellatrix c'est un peu différent. Toute la production qui met derrière ça, ça aidera sûrement à faire parler beaucoup plus du catch féminin. Une chose qui n'arrivait pas dans les promotions de catch normaux en Angleterre. La plupart ne font pas vraiment grande chose de pub, font beaucoup de pub locale, mais pas vraiment un truc mondial. Et ce que Sarah est en train de faire avec sa promotion, c'est vraiment nous passer des interviews, nous mettre en contact avec des podcasts, des émissions de télé, etc. Donc c'est un truc un peu plus grand. Mais je voulais revenir sur les fédérations. Est-ce que pour toi il y a une fédération en Europe qui est au-dessus du lot par rapport aux autres? Il y en a quelques-unes, mais on entend parler beaucoup de WXW, par exemple. On entend parler beaucoup aussi en Angleterre de Pro Wrestling Eve dans ce qui concerne le catch féminin. Donc, je peux pas dire qu'il y a vraiment une qui sort du lot. Il y a quelques-unes qui sont vraiment bien et qui sont un peu plus grandes que les autres. Donc, autre question, est-ce que tu as déjà affronté les Blossom Twins? On sait que ce sont des jumelles qui sont passées dans le British Bootcamp, qui était une émission de la TNA. Est-ce que tu les as déjà affrontées ou est-ce que tu as un avis sur eux? Je les ai déjà affrontées en Angleterre à la IPW, dans un match de tag, moi et Nikki Storm, donc l'équipe Perfect Storm contre l'ancienne équipe Perfect Storm parce qu'elle n'y est plus, suite à un problème qu'il y a eu entre Nikki et moi, donc voilà. Contre les Blossom Twins à la IPW, c'était l'année dernière, je crois. C'était avant le bootcamp. Mon avis sur ces deux catcheuses, c'est que elles sont super talentueuses, donc ça ne m'étonne pas qu'elles soient en ce moment à la OVW en train de, donc c'est le territoire de développement de la TNA, et j'en suis sûre qu'elles vont réussir à être à la télé, peut-être dans des épisodes Impact, on verra. On parlait tout à l'heure de fédération française. Tu as déjà combattu pour la ECTA, une fédération du nord de la France. Et j'ai parlé avec quelques dirigeants et on m'a dit que tu as eu de très bonnes réactions chaque fois que tu étais passé à Nogent-sur-Oise, qui est une ville du nord. Parce qu'il y avait beaucoup de drapeaux du Portugal et tu étais pas mal de supporters. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Est-ce que ça t'a fait plaisir? Enfin, est-ce que ça t'a marqué? Ça me fait toujours, toujours plaisir quand je rentre dans l'arène et je vois une énorme masse de public avec des drapeaux portugais. Bien sûr, ça me rend fière de mes héritages. J'ai eu aussi pareil à Angoulême, il y a une communauté portugaise énorme. C'est vraiment génial, j'adore. Et à quoi ressemble la scène portugaise de lutte en fait, au niveau est-ce qu'il y a beaucoup de shows au Portugal? Ça se passe comment? Il y a, si je ne me trompe pas en ce moment, deux, trois petites organisations. Ça bouge, ça va. Ça aurait pu être mieux, mais ils font vraiment des efforts pour faire le catch vivre un petit peu là-bas. Donc, mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est un pays déjà que financièrement, ce n'est pas un pays très, très facile. Vous savez, pour organiser, même pour vivre, mais encore moins pour organiser des shows de catch, mais de grande ampleur. Mais vous avez là-bas, il y a Massimo Luftmann, qui c'est un monsieur qui, avant, il travaillait avec un cirque, maintenant, il met une tente de cirque qui passe partout dans le pays, mais avec des shows de catch dedans. Donc, c'est comme du catch itinérant, on va dire. Oui. Sinon, à part ça, il y a la APW, qui est une des plus professionnelles qui existe là-bas. Il y a aussi WSW, qui est un peu plus, on va dire, international, géré par un chanteur très connu au Portugal qui s'appelle Axel. Je crois qu'ils font un ou deux fois à l'année des événements, surtout dans l'été, dans une plage. Donc, c'est super aussi. Sinon, il y a une structure qui a commencé très petite, qui est la CTW, et qui a tout mon cœur, parce que il y a mes amis les plus proches qui sont dedans, qui s'entraînent tous les jours, qui font des efforts énormes pour construire quelque chose de très bien au Portugal. Donc ils ont beaucoup évolué, et j'accompagne de très près le travail, et je peux dire que je suis très fière d'eux. On leur passera le bonjour, c'est l'occasion d'ailleurs de permettre à des fédérations petites, plus ou moins grandes, de se faire connaître dans le monde du catch européen. Donc on va maintenant passer à une question qu'on a reçue. On a eu certains auditeurs qui nous ont parlé de ce match, dont les retombées médiatiques ont quand même été un petit peu plus élevées que certains, donc contre Emi Sakura à l'AWW en Angleterre en février dernier. Et donc on a reçu pas mal de questions sur ce match qui a suscité beaucoup de réactions positives, avec notamment, on peut retrouver la vidéo de présentation, les highlights sur la page officielle consacrée à Shanna sur le site du Gutcheck de la TNA. Et donc, que retiens-tu de cette confrontation avec Emi Sakura? En quoi ce match est-il si particulier? C'est marrant parce que c'était un match, c'est un match spécial parce que quand elle et moi nous sommes entrés dans l'arène, le public ne croyait pas en nous. On a entendu comment ça se dit, des vannes, c'est ça? Des gens qui sifflaient, qui disaient des choses genre t'es bonne, montre-nous tes tétons, ou à Emi Sakura, des trucs un peu racistes sur les chinois. Bon, elle est japonaise. Donc le public, il nous respectait pas du tout. Et ce que je retiens de ce match, c'est que vers la fin, ces mêmes personnes qui se sont moquées de nous, ils étaient en train de se lever, en train d'applaudir et en train de dire, de chanter This is awesome. Donc, on a changé un peu l'opinion de ces gens-là à ce moment-là, rien qu'en dans un espace de quoi, 5 minutes. Parce qu'au milieu du match, ils étaient déjà convertis. Est-ce que ça reste ton match, entre guillemets, préféré ou ton meilleur match jusqu'à présent? En ce moment, oui, je suis très fière de ce combat pour les raisons que je viens d'expliquer. J'aime bien donner des claques sur moi à des gens, surtout à des gens qui croient pas au catch féminin, parce que moi je crois et je reste ferme sur mes positions. Je pense que le catch féminin, il peut être aussi bon ou mieux même que le catch masculin, ou que certains combats masculins. Ouais, Verpa et moi, là, on serait d'accord avec ça, je pense. Mais... Pleinement d'accord. Et j'aurais une question de Maximo, qui est un auditeur, qui demandait si tu as une chance de lutter un jour pour la... Alors, attention, le nom de la fédération, la WXW, qui est une fédération allemande. Ah oui, je viens de la mentionner même. Je n'ai jamais travaillé pour eux, oui, mais peut-être, ça dépend. Si le promoteur un jour voudra me booker dans sa fédération, j'accepterai. Et voilà, donc book it. Ah, surveillez donc. Alors, j'ai une petite question qui me tient particulièrement à cœur. J'aimerais savoir si tu as déjà croisé des grands catcheurs de renom dans les vestiaires ou en backstage. Des grands catcheurs américains connus, par exemple, je pense à Sting, Hogan ou Angle ou autre. Est-ce que tu as déjà croisé des catcheurs vraiment connus, quoi? Bah oui. Tu as quelques noms, quelques, je peux, quelques je petites peux anecdotes? Ouais, très je bien. Peux, je peux donner des noms, oui. Certains de mes amis à moi sont très connus du public, des ex-WWE même. Un de mes meilleurs amis, c'est Chavo Guerrero. Qui était dans le tryout de l'Athéna. Il m'a pas quitté une seconde pour me donner des conseils, toujours à mes côtés dans le ring, autour du ring. Donc, ce sont des choses que je n'oublierai jamais. Il me donne beaucoup de conseils, il m'aide beaucoup, voilà. Sinon, un autre ami à moi, Matt Morgan, c'est un très grand ami à moi. Par la même occasion, j'ai eu la chance de croiser Sting, qui est une personne très très gentille et il n'y a pas un ego surdimensionné, c'est-à-dire il m'a vu dans le couloir, je lui ai dit bonjour très poliment et s'est montré intéressé à savoir comment ça allait mon try-out. Il m'a posé des questions, vraiment gentil. Donc je garde ce petit souvenir. Je garde aussi le souvenir de Dylan O'Brien à la fin de try-out, qui me câlinait et qui me disait toi, t'es vraiment très talentueuse. Donc ce sont des petits trucs qui me font chaud au cœur. Sinon, j'ai fait aussi la tournée AWR en France pendant 7 jours avec Booker T, Scott Steiner, Daivari. Je garde aussi beaucoup d'histoires. Shelton Benjamin, la Résistance, Sylvain Grenier et René Dupré, Sandman. J'ai eu l'occasion de travailler avec April Hunter. On vient de parler du match de Miss Sakura. Dans la même soirée, j'ai eu Brian Kendrick. Ouais. Qui a regardé justement mon match. Il venait après le mien, donc mon match après mon match, il y avait encore deux matchs, dont le sien, que c'était le main event, et il m'a dit que ça allait être difficile pour lui de me suivre. Et ça me rend extrêmement heureuse, extrêmement fière de mon travail, comme vous devez calculer. On a encore une question de Maximo qui demande si tu as déjà eu l'occasion de déménager au Japon ou aux États-Unis pour mieux vivre de ta passion, parce qu'il y a Nick Storm qui est récemment passé par la JPW, une fédération japonaise. Est-ce que tu as déjà combattu là-bas au Japon ou aux États-Unis? J'ai eu déjà des offres pour le Japon, mais ça ne correspondait pas vraiment à mes horaires et à mes expectations. Tes attentes. À mes attentes, c'est ça? Et donc, je me sens un peu Jean-Claude Van Damme quand je parle avec vous. You were. Ben oui, donc pour le moment, je mets le Japon en stand-by. Mais par contre, voilà, j'ai peut-être le Brésil qui va venir. Je suis en train de voir pour ma tournée aux États-Unis. Donc je me concentre dans d'autres choses avant le Japon, parce que je pense que le Japon en ce moment, il y a tout et n'importe quoi qui va au Japon, pour moi c'est pas le moment, c'est pas un moment spécial pour aller au Japon. Oui, parce que récemment on a eu une tournée d'Alpha Female qui a été au Japon, donc ça aurait pu être une voie à suivre, surtout qu'en ce moment on remarque qu'il y a quand même pas mal d'Américaines qui vont au Japon, que ce soit Alex Reed ou Portia Pérez par exemple, qui est parti au Japon, et donc on retrouve pour l'instant assez peu de catcheuses européennes au Japon, et donc ça peut-être en préparant l'émission, on s'est dit Shana au Japon, ça serait une bonne pioche pour par exemple l'Ice Ribbon ou la JWP. Comme je dis, j'ai eu des offres déjà, mais pour moi, je ne trouve pas que ce soit le bon moment. Je comprends parfaitement ce que tu as dit. Il n'y a pas vraiment beaucoup de catcheuses européennes qui sont passées là-bas. Mais il y a quand même pas mal. Il y a Kelly Ray qui est passée là-bas. Il y a après David. Il y a Nikki Storm. Il y a Alpha Female. Alpha Female a laissé vraiment une énorme impression là-bas, parce que en tant que championne de la Stardom, voilà, elle a réussi à avoir un truc très haut là-bas. Mais pour le moment, je suis concentrée dans Athéna. Je suis concentrée dans ma tournée américaine et puertoricaine et peut-être au Mexique. Donc voilà, j'ai d'autres choses en main en ce moment. Donc le Japon, c'est pas vraiment une priorité pour moi. Mais dans le futur, on verra. On l'espère. Et toi qui justement connais un petit peu l'ensemble du monde du catch féminin, tu penses quoi du catch féminin actuel notamment par rapport aux années 90 où au Japon c'était très très fort avec pas mal de légendes. Je pense qu'il y a un temps pour tout. On avait le style, le catch des années 90, c'était un peu différent. Je trouve qu'il y a eu un moment où il n'y a pas eu vraiment de catch féminin en Europe, où il y avait, mais c'était pas vraiment bien. Et c'est que quand la pro wrestling s'est relancée que le catch féminin il a commencé à voir la lumière du jour. Encore une fois, et les talents, ils sont commencé à apparaître. Donc, je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus de catcheuses talentueuses et beaucoup plus performantes que, je veux dire, il y a 5 ans, par exemple, ou 6 ans. Est-ce que tu as d'autres sports que tu pratiques ou alors où tu es supporter? J'aime beaucoup le foot. Je vous l'avais dit, les gars. Allez, portugaise. Voilà, et portugaise. Et portugaise. Oui. Quel club tu supportes? Sporting Lisbonne. Ah, le vert et blanc. Pas Benfica, pas Porto. Sporting Lisbonne. Sinon, j'étais joueuse de volleyball dans mon équipe, dans mon pays, dans l'équipe nationale. De junior. J'ai pratiqué plusieurs arts martiaux. Aussi du surf, la gymnastique acrobatique très récemment avant de me faire opérer du genou. Et en ce moment, je suis plutôt fitness, plutôt musculation Donc, voilà. Je voulais juste savoir si Chanel aurait voulu venir à la maison manger une petite raclette. J'adore la raclette, moi. Oui, bah oui, c'est pour ça que j'ai cru comprendre qu'elle était fan de raclette. C'est bon. Bon, bah alors tout va bien, d'accord, très bien. Écoute, on va rappeler ton passage sur Machine Sport, c'était quand? C'était la semaine dernière, non? Oui. Avec Seignan Varini et Grégory Dis, qu'on a reçu il y a maintenant 6 mois, je crois, au mois d'octobre. C'était au moment de Band for Glory, ça s'était très bien passé. Ils sont très cool. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment tu as ressenti ce petit entracte télé? J'ai adoré. Pour moi, c'était être dans le plateau télé, c'est un truc que j'adore. En plus, j'ai l'opportunité de me faire toute belle pour la télé. Non, mais c'était surtout une opportunité de faire parler de moi et encore d'avoir plus de votes pour l'Athéna, de faire en sorte que les gens aient sachent que j'existe et que je suis là en train de demander des votes. Non, mais c'est le but, hein. C'est le but. Il faut que tu ailles en finale, il faut que tu sois prise, hein, de toute façon. Ce serait l'idéal pour tout le monde. Je l'espère. J'ai de très bonnes chances. Mais je pense que dans la finale, tout le monde va être très, très concentré. Et ils vont tout faire aussi pour en avoir le plus de votes possible. Donc, je ne sais pas. On rappelle que ce que j'allais dire. Il y a un autre Français dans la liste. C'est Dimitris Soliotopoulos et Alas Rosto. Oui. Qui a fini premier en plus de son groupe, c'est ça? Oui, c'est pour ça qu'il est passé aussi dans la finale. Oui, en plus, oui. Je vais être en compétition avec Dimitri Rostosoliotopoulos, par exemple. Ah, moi aussi. Ah, voilà. Bad Bones aussi, je crois que c'est un ami à toi. Oui, c'est une personne que je connais très très bien. C'est celui qui a d'ailleurs le plus de votes jusqu'à présent. Donc c'est une menace, mais... je pense que avec l'aide de tout le monde, de tous les gens qui me suivent, je pense que tous unis, on fera en sorte que j'arrive premier dans la bracket finale. D'accord. On rappelle les votes, hein, ouverture des votes le 8 juin pour la finale du TNA Go Check. On veut que vous votiez pour Chana, le mérite. Il faut aussi voter un petit peu pour Rosto, parce que bon, ça va être plus difficile pour Rosto, mais voter aussi pour Chana, c'est le principal, c'est que la France soit bien représentée dans ce Go Check. Et on peut voter plusieurs fois, non? On peut voter plusieurs fois, non? Non, Non, non, non, non, non, parce que justement, il y a eu un problème dans les premières, les Dans le premières premier coup. votations. C'était pas dans cette, dans ce système-là. C'était un système avant, qui avait avant, il y avait tout le monde mixé, je crois. Et il y a eu un catcheur, je sais pas qui. Donc je peux pas vous le dire, mais qui a eu d'un jour à l'autre une quantité énorme de votes. Donc un truc qui était ça se voyait vraiment que c'était triché. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé le système et en ce moment, faut se enregistrer dans la page et on peut voter qu'une fois par chaque bracket. Donc ça veut dire que dans la bracket finale, on pourra voter qu'une fois. D'accord. Chaque personne Donc, est votée. Donc tous les votes pour moi, s'il vous oui, plaît. voilà. Comme Vous allez voter pour Chana. Le Ah, site, c'est challenge.tnegacheck.com. Ouverture de vote le 8 juin, ça va jusqu'au 15 juin. Et le 16-17, on saura qui sera le vainqueur et qui aura son gacheck télévisé. Donc challenge.tnegacheck.com. d'accord, bah écoute, on ira voter dès le 8 juin, n'oubliez pas, c'est très très important pour Chanel, le mérite. Est-ce que tu as un message à passer pour terminer? Un message par exemple à tous les autres participants, tes concurrents, à ta famille, à tes amis, à des gens. Aux femmes surtout. Pour mes pour les autres concurrents de Tiena Gatchek, j'ai juste à dire que il y a rien qui bat la perfection. Donc voilà. Et C'est pas faux. pour mes voilà. Et à tous mes fans, votez le 8 juin. Demandez à tous vos amis, à votre famille, à votre chat, à votre chien, à votre canari de voter. Et ensemble, on emmènera la perfection à la TNA. Eh ben écoute, on le fera. Moi, je vais faire voter mon. J'allais dire mon chien, mais j'en ai pas, donc ça risque d'être difficile. Votez le chien Vincent, t'inquiète. Moi, je pense que Ouais, mon chat, il votera pour moi. voilà. Écoutez, mais je pense qu'on peut se quitter. Mais écoute, Si tu as encore un merci. compte Twitter, tu peux l'annoncer aussi, hein, si tu veux. Tu veux que je dise quoi? Alors, Ton compte on Twitter. va rétablir la fin comme d'habitude. On va faire, on va dire, c'est Shana-8WP, je crois. Oui. Voilà, ton compte Twitter, c'est ça. Est-ce que tu as une page Facebook? Oui. Portugal's Perfect Athlete Official, je crois. Attends, je vais juste confirmer parce que les deux, ils ont un nom pareil. On D'accord. peut faire Athlete Official. Attends. Oui, Perfect Athlete Official. Facebook.com, Perfect Athlete Official. Voilà, bah écoutez, messieurs, on va pouvoir se quitter avec cette fois-ci nos comptes à nous, hein, bien évidemment. Je rappelle le compte de Broustille, Landes, c'est ça. le compte de Sébastien, Ricalawis 67. là, Sébastien qui est encore passé sur Ante1, il se la pète. Eh oui, à chaque fois je AB1, passe. AB1. Et AB1. au prochain pay-per-view sur AB1, tu pourrais laisser un petit message pour Shanna. Ça serait bien lors Ah, de ce serait super. WWE Payback. Parce que Espérons, espérons Sébastien a la chance d'être diffusé à peu près à chaque pay-per-view de la WWE sur AB1. Alors Et... Seb, précise bien merci AB1 avant, parce que sinon ils Ouais. passeront pas. Tu leur dis bien merci AB1, puis derrière tu parles de Shanna. Un petit Ouais, peu, parce tu que sais. sinon Si ils pas diffuseront merci pas le AB1, tu message. passeras pas. Hein. Ce sera le petit challenge du mois prochain. Voilà, c'est Ouais. ça. Le compte de Renault, c'est Dean Malenko06. Ouais, c'est voilà, Malenko06. Voilà. Verpa, c'est toujours Verpa d'Euro. Eh oui. Voilà. Sébastien, c'est Ricalewi67. Quant à moi, c'est Sparta-8Gus. Je rappelle celui de Shana, c'est Shana-8WP. Son Facebook, c'est Shana Wrestler Perfect Athlète Page. Officiel. Voilà. On vous le mettra sur la page Facebook de toute Ouais. façon. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Écoutez, bah écoutez, on va se quitter avec un petit theme song à l'ancienne, hein, comme on les aime. Et on se Oui, mais n'oubliez retrouvera. surtout pas le 8 au 15 juin, surtout pas. Hein. Oui, c'est vrai. Votez Excusez-moi. tous pour Shanna. Oui. Ouais. Voilà, bon, on peut se quitter. C'est maintenant. Allez, ciao tout le monde et restez branchés sur Wrestles Radio. Allez, on se quitte. Ciao. Ciao. Au revoir, Shanna. Ciao. they all want me. You want it when you saw me. I like how you look, baby. Call me, call me. Ha ha.